Nous allons continuer notre étude des grandes étapes de la conception scientifique du temps. Alors nous nous étions arrêtés à la conception de Newton. Bon, ce qu'il fallait surtout retenir, c'est cette idée que le temps est absolu, hein, c'est-à-dire que le temps est absolument uniforme et identique en tout point de l'espace. Il s'écoule exactement de la même façon pour n'importe quel observateur dans l'univers. Et nous avions aussi noté que, par ailleurs, Newton restait dans le cadre chrétien, religieux, c'est-à-dire que pour lui, le temps avait commencé il y a environ, et le monde avait commencé il y a environ 6000 ans. Alors, ce qu'on va voir, c'est que, après cela, donc, Newton, pour le situer, il écrit à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Dans son grand ouvrage, Les principes mathématiques de la philosophie de la nature, sont publiés en 1687. Donc, dans la période qui a suivi, en fait, il y a eu une remise en question progressive de cet âge de la Terre posé et défendu par la religion. Bon, cette remise en question, elle s'est faite progressivement. Alors, première étape importante de remise en question, c'est dès le XVIIIe siècle, donc à l'époque des Lumières, on a le naturaliste Buffon, donc, qui est un naturaliste assez connu, qui avait fait de grandes études des espèces vivantes. Et bien, à partir de l'étude de sédiments marins, auxquels il s'est aussi intéressé, il a estimé qu'en fait, ces sédiments, ils n'auraient pas pu se constituer sur une période aussi brève que 6000 ans. Et il va commencer à annoncer cette idée que sans doute il faut reculer l'âge de la Terre, peut-être de plusieurs dizaines, voire peut-être plusieurs centaines de milliers d'années. À son époque, il avait été rejeté assez vigoureusement, mais voilà, c'est une première étape. C'est surtout au XIXe siècle que cette conception religieuse du temps est vraiment battue en brèche. Alors, grandes étapes importantes, du côté de la géologie. On a notamment le géologue anglais Lyell, qui lui a montré, qui va montrer que la Terre, telle qu'elle est, dans sa configuration, elle a nécessairement nécessité une très longue période pour se former. Jusque-là, on avait une théorie, ce qu'on appelle la théorie catastrophiste. On pensait que la Terre s'était formée par des grandes catastrophes, alors des catastrophes provoquées par Dieu. Bon, et Lyell, lui, ce qu'il va insister, ben non, c'est quand même plus compliqué que ça. La Terre, elle s'est formée par de très longs processus. Qui se sont étalés sur des millions d'années. Et donc, dans les décennies qui ont suivi, on a un physicien, Kelvin, qui lui, à partir de travaux sur le refroidissement des matériaux, lui, il va estimer, il va donner que peut-être la Terre, on pourrait estimer une période de 400 millions d'années pour s'être formée, pour s'être refroidie à partir d'une Terre primitive chaude. On a d'autre part les études de biologie, hein, avec l'émergence de la biologie moderne au XIXe siècle, avec Darwin, hein, Charles Darwin. Et donc celui-ci souligne que les espèces vivantes actuelles, elles n'ont pas pu apparaître comme ça d'un seul coup, elles ont nécessairement pris du temps pour se former, elles sont le résultat d'une évolution, et que cette évolution, elle n'a pas pu se faire simplement en 6000 ans. C'est pas possible. Ne serait-ce que quand on regarde des espèces que nous connaissons, par exemple des espèces domestiquées que nous arrivons à faire changer par croisement, prenons des vaches, enfin des bovins ou bien des chiens ou des chats, hein, on voit bien que même par croisement volontaire, ça prend déjà du temps pour former des races différentes. Alors pour que des espèces dans la nature se forment, évidemment, ça ne peut pas se faire en quelques centaines ou quelques milliers d'années, ça se fait nécessairement en plusieurs centaines de millions d'années. Et ce que va souligner Darwin, c'est que l'être humain lui-même est le résultat de cette évolution. Ça, c'est grandes étapes au XIXe siècle de remise en question de la conception religieuse du temps. Bon, et pour ce qui est de la conception physique du temps, alors une étape vraiment importante et qui marque encore notre conception moderne, eh bien, dans le domaine de la physique, ça va être les théories d'Einstein. Alors, pourquoi Einstein? Parce que, en fait, Einstein va remettre en question la conception newtonienne d'un temps absolu au travers de la théorie de la relativité, voilà, qui est développée par Albert Einstein au début du XXe siècle. Et donc, Contrairement à ce que pensait Newton, ce que va montrer Einstein, c'est que le temps n'est pas uniforme en tout point de l'espace. En réalité, le temps ne s'écoule pas de la même façon selon la vitesse à laquelle on se déplace. Si deux corps se déplacent à des vitesses très différentes, eh bien, ils vont pas subir le même temps. Voilà, ça, cette idée, elle est illustrée par bon, c'est un autre physicien qui s'appelle Langevin qui a essayé de vulgariser ça. Il a utilisé ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Hein, voilà, il y a deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre, tandis que l'autre effectue un voyage, voilà, avec un vaisseau spatial. On peut imaginer un vaisseau qui va dans une très très grande vitesse. Et donc il voyage pendant plusieurs années. Puis ensuite, il revient sur Terre. Et là, qu'est-ce qu'il constate? Mais c'est qu'en fait, son jumeau resté sur Terre aura plus vieilli que le jumeau qui était dans la fusée. Hein, le temps s'est écoulé différemment. Hein, il y a eu un plus grand nombre d'années qui se sont écoulées dans le référentiel du jumeau resté sur Terre. C'est une théorie qui est un petit peu surprenante, qui est déstabilisante, hein, bon, mais en fait, c'est une théorie qui a été prouvée, hein, qui a été vérifiée, notamment par une expérience qui a été menée en 1990. Hein, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est quand même plusieurs années après Einstein, mais bon, voilà, on a pris trois horloges atomiques, une qui a été placée sur Terre, et puis deux autres ont été mises dans des avions. Chaque avion effectue un tour de la Terre, l'un vers l'est, l'autre vers l'ouest. Donc ce qu'on a constaté à la fin, c'est qu'on a constaté une petite différence dans les temps indiqués par les horloges. Alors c'était vraiment de quelques nanosecondes. Voilà, chaque horloge a subi une accélération différente. Donc c'est une différence qui est évidemment à l'échelle humaine qui est négligeable, mais à l'échelle cosmique, bah, en fait, la théorie de Newton, elle remet complètement en cause la notion de simultanéité, en établissant que le temps, il dépend du référentiel dans lequel on se situe. Alors, la théorie de la relativité d'Einstein, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas professeur de physique, ça, vous irez voir votre professeur de physique pour plus de détails, mais la théorie de la relativité d'Einstein est conduite à plusieurs conclusions sur l'âge et le devenir de l'univers. Alors, des conclusions que Einstein lui-même a mis un peu de temps à accepter. Hein. Au début, il doutait de ses propres découvertes, il pensait qu'il fallait qu'il change de théorie. Et donc, ces deux grandes conclusions, c'est d'abord que la totalité de la matière dans l'univers fut à un moment donné concentrée en un seul point d'une extrêmement dense, hein, le point de départ de l'univers, c'est ce qu'on va appeler le Big Bang, c'est un moment où la matière était extrêmement concentrée et dense. Et puis à partir de ce moment-là, depuis, l'univers est en expansion et continue de s'étendre. Donc malgré les doutes d'Einstein, bah, ces conclusions, elles ont été confirmées aussi par des observations, hein, qui ont été faites par un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble. Et lui, ce qu'il a constaté, bah, c'est que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et que plus les galaxies sont loin les unes des autres, et bien plus elles s'éloignent à grande vitesse. Donc ça, c'est une preuve de cette idée que l'univers s'étend et que si on remonte dans le temps, il était beaucoup plus concentré, et plus on avance dans le temps, plus il s'éloigne. Enfin, les corps s'éloignent les uns des autres. Alors, voilà. À quoi ça nous mène, toutes ces idées-là? Ben, c'est qu'au cours du XXe siècle, les découvertes scientifiques, elles ont finalement permis de poser plusieurs échelles de temps qui remettent complètement en cause la conception qu'on avait du temps jusque-là, et donc notamment voilà, pour des grands repères, où est-ce qu'on est parvenu au XXe siècle? On est parvenu déjà à cette idée que bah, l'univers bon, et la Terre, bon, ils ne sont pas du tout similants. En fait, l'univers, depuis le Big Bang, donc depuis ce point de départ de l'expansion de l'univers, eh ben, il a environ 13,8 milliards d'années. La Terre elle-même, voilà, comme l'a montré Lyell, bon, qu'elle était très ancienne, bon, il n'avait pas encore la date exacte, mais aujourd'hui on le sait, voilà, la Terre elle a environ 4,5 milliards d'années. Et de même, bon, Darwin avait cette intuition que l'évolution avait pris beaucoup de temps. Bon, au XXe siècle, on a établi que les premières formes de vie, elles sont apparues il y a plus de 3,5 milliards d'années. La lignée des hominidés à laquelle appartient l'homme, elle est elle-même apparue en Afrique de l'Est il y a environ 6 millions d'années. Et les plus anciens fossiles d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, eh ben, ils sont apparus, les plus anciens fossiles datent d'environ 300 000 ans. Donc on voit bien que l'espèce humaine est beaucoup plus ancienne que ce qu'on a longtemps cru. Et donc ces découvertes scientifiques du 19e et du 20e siècle, elles ont complètement révolutionné notre appréhension du temps. mais elles ont aussi conduit à remettre en perspective l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est celle qui commence avec l'invention de l'écriture, là. Et ce qu'on constate, c'est que loin de coïncider avec les temps cosmiques et biologiques, on se rend bien compte que les temps historiques, ça ne représente qu'une fraction vraiment infime, et même ridicule, même au regard, ne serait-ce que de l'existence des êtres humains.